Parfois tout seul j'ai peur quand surgit la nuit. Quant aux dernières lueurs, je songe à l'infini. Cette divine torpeur où je pleure et je ris me glace de bonheur d'être toujours en sursis. Moi aussi j'ai peur, moi aussi je suis des leurs. Moi aussi j'ai peur d'être toujours en vie. Moi aussi j'ai peur, moi aussi je suis des leurs. Moi aussi j'ai peur d'être toujours en vie. Parfois avec elle j'ai peur quand surgit la nuit. Un manque de hauteur lorsque j'entre dans son lit. Cette divine frayeur où je meurs et je vis me glace de bonheur d'être toujours en sursis. Moi aussi j'ai peur, moi aussi je suis des leurs. Moi aussi j'ai peur d'être toujours en vie. Moi aussi j'ai peur, moi aussi je suis des leurs. Moi aussi j'ai peur d'être toujours en vie. Parfois de lui j'ai peur quand surgit la nuit. Une autre couleur que celle de ma vie. Cette divine stupeur où je me leurre, tant pis, me glace de bonheur d'être toujours en sursis. Moi aussi j'ai peur, moi aussi je suis des leurs. Moi aussi j'ai peur d'être toujours en vie. Moi aussi j'ai peur, moi aussi je suis des leurs. Moi aussi j'ai peur d'être toujours en vie. Et puis parfois, je m'en fous, quoi.